إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 2 dans la lecture de l'explication de la aqida des deux Razi, des deux imams Razi, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi. Et on l'appelle aqida al-Raziyin, aqida des deux imams Razi. C'est qu'en arabe, il y a le duel, il y a le singulier, le duel et le pluriel. C'est pour ça qu'on dit Al-Imaman Al-Raziyan, et quand c'est dans la forme objective, c'est quand on dit, quand c'est dans la forme qui est quand on dit par exemple Maf'ul bihi ou bien Mudaf, Mudaf ilay, on va dire Raziyain, Aqidatu Raziyain. Et donc, pourquoi on les appelle Raziyin, on l'a expliqué dans l'introduction, c'est parce qu'ils viennent tous les deux d'une ville qui s'appelle Ray. Ray. Et quand on la prononce en arabe, étant donné que ce n'est pas une ville, l'origine de ce nom, ce n'est pas un nom arabe, les Arabes, lorsqu'ils l'ont découvert, ou quand ils ont connu cette ville-là, ils ont rajouté un Zay à la fin, pour que ce soit plus facile pour eux de prononcer. Donc, ils ont dit, pour la personne qui vient de là-bas, Ar-Razi. Parce que la ville, c'est Ar-Ray. Sinon, ils auraient dit Ar-Rayi. Mais là, ils disent Ar-Razi. Pour que ce soit plus facile. Et le titre de du sharh qu'on va lire, c'est Qurratul Aynayn bi tawdih ma'ani aqidat Raziyin. D'accord? Donc, ça, c'est le titre du sharh de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, et donc on va lire ensemble ce sharh. Avant de commencer, on va lire juste une petite introduction sur la vie, une petite biographie des deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a. D'accord, donc on va lire ça pour commencer, inshallah. Donc, tarjamatul imam Abu Hatim al-Razi. Premièrement, on va parler de Abu Hatim. Son nom, c'est Muhammad ibn Idris. Donc, souvenez-vous de ça, Muhammad ibn Idris. Quand on dit Abu Hatim, on parle de Muhammad ibn Idris. D'accord? Donc, on le répète encore une fois, Muhammad ibn Idris. Muhammad ibn Idris. Ça, c'est son nom. Et son nom complet, si on mentionne le nom de son grand-père et son arrière-grand-père et son arrière-arrière-grand-père, c'est Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir ibn Dawood ibn Mahran. Sa kunya, c'est Abu Hatim, et il est connu sous sa kunya. On le connaît sous sa kunya. Nasbatuhu, on l'appelle Ar-Razi. Il parle là Ar-Razi. Pourquoi on l'appelle Ar-Razi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il vient de la ville de Ray. Et on rajoute le Zay, on rajoute le Z. Donc ça devient Razi. Et à la base, il vient de la ville d'Asbahan, en Iran. Donc, il est d'origine Asbahan, de la ville de Asbahan. Et il dit que c'est pour ça que, dans la biographie, le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, il a écrit une biographie donc, des deux imams. C'est de cette biographie-là qu'on prend cette description ici. Donc, Abu Naïm, ou Abu Nu'aym, il a écrit dans son livre la biographie de l'imam Abu Hatim al-Razi. Il a mentionné qu'il l'a mis parmi les gens de Asbahan. Et la raison pourquoi il l'a mis dans des gens de Asbahan, c'est parce qu'à l'origine, il vient de là-bas. Et on l'appelle également Al-Radfani, et on l'appelle aussi Al-Hanzali. Et Hanzala, c'est une famille parmi les familles de Radfan. Et il a une affiliation à cette tribu de par les personnes qui ont conquis cette région. À l'époque, c'était comme ça. Lorsque quelqu'un arrivait dans une région et qu'il avait conquis la région, eh bien, tous ceux qui habitaient dans cette région-là prenaient le nom de la tribu en question, hein, qui avait de celui qui avait conquis la ville ou qui avait pris la ville. Naam, wabnuhu Abdurrahman. Son fils, c'est Abdurrahman. Donc, quand on dit Ibn Abi Hatim, c'est-à-dire le fils de Abu Hatim. Il s'appelait Abdurrahman. Il est connu, c'est un grand savant aussi. Et c'est lui qui a rapporté cette aqida hein, de son père et du cousin de son père, Abu Zura. Donc il a mentionné la même chose. Donc, de quelle origine il vient, de quelle famille il vient. Rihlatuhu fi talab al-ilm. Les voyages qu'il a fait pour chercher la science. Donc, premièrement, Abu Hatim a commencé à chercher la science du hadith en 2009, à l'âge de 14 ans. Et il a fait plusieurs voyages pour aller chercher la science. Depuis qu'il était tout petit, il a commencé à voyager pour chercher la science du hadith. Donc, il est parti à Koufa, à Basra. Ça, c'est deux villes en Irak, hein. Il a cherché la science dans ces régions-là. Ensuite, à Bagdad, la capitale, hein, Bagdad, c'était en Irak aussi. Après, à Damas, une autre ville de Hacham qui s'appelle Hims. Et il est parti également en Égypte. Et il est resté longtemps à voyager pour la quête de la science. Il y a des choses étonnantes qui lui sont arrivées durant ces voyages-là. Il dit, son fils a dit, j'ai entendu mon père dire, la première année que je suis sorti pour chercher le hadith, je suis resté 7 ans à compter mes pas. Hein? Il a, pendant 7 ans, il a calculé le nombre de pas qu'il a fait. Et il a dit que mes pieds ont dépassé la distance de 1000 farsakh. Et farsakh, c'est une mesure de l'époque, yani. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond en mètres aujourd'hui ou en kilomètres, mais il y a sûrement des moyens de trouver à faire la comparaison ou la concordance pour savoir qu'est-ce que ça représente en mesure d'aujourd'hui. Toutefois, 1000 farsakh, ça doit être une très longue distance s'il a calculé, c'est pas pendant une durée de 7 ans. Subhanallah. Puis il dit après 7 ans, il a cessé de calculer. Il a cessé de calculer par la suite. Et il dit, il est sorti de Bahreïn pour aller en Égypte à pied, à la marche. Puis il est parti à Ramla, de l'Égypte, il est allé à Ramla, à la marche aussi. Puis ensuite à Damas, à la marche. Puis ensuite à une autre ville qui s'appelle Antaqiyya. Antaqiyya, à la marche. Puis, Tarsus, il est parti à la marche. Puis, il est revenu à Hims, à la marche encore. Puis, il est allé après une autre ville qui s'appelle Riqqa. Puis, ensuite, il a pris une monture et il est parti en Irak. Et, il dit à ce moment-là, j'avais 20 ans. Si j'avais 20 ans à ce moment-là, Subhanallah. Il a fait tous ces voyages-là à la marche. Ça représente des semaines et des semaines de marche. Hein, peut-être même des mois parfois. Il dit, ثم ركبت, donc on a lu ça, 20 سنه. Il dit ensuite, je suis resté à Al-Basra pendant, yani, non, il dit, بقيت في البصرة سنة أربع عشرة أي ومئتين. Donc il dit, je suis resté à Basra en l'an 214. En l'an 214, et il dit, j'ai vendu mes vêtements jusqu'à ce qu'elles, ou bien j'ai, il dit, بعتُ ثيابي حتى نفدت. Donc il dit, j'ai vendu mes vêtements jusqu'à ce que j'en ai plus. Et il dit, j'ai eu faim pendant 2 jours. Et donc j'ai informé mon compagnon. Et son compagnon, c'était Abu Zur'a. Donc il a informé son compagnon. Son compagnon a dit, j'ai 2 dinars. Donc il lui a donné la moitié du dinar. Non, il a dit, j'ai 1 dinar avec moi. Donc il lui a donné la moitié. Et il a gardé l'autre moitié. هنا. وطلعنا مرة من البحر وقد فرغ زادنا. Une fois ils sont montés en mer, ils sont partis en mer une fois, et ils avaient plus de provisions. Ils ont marché pendant 3 jours et ils n'ont rien mangé. Subhanallah. Ils ont marché pendant 3 jours, ils n'ont rien mangé. Et donc ça c'est jusqu'à la fin de l'histoire qui est mentionnée dans Tabaqat al-Shafi'iyya et Tazkirat al-Huffaz et d'autres livres également. Donc c'est pour dire que les ulama de hadith à l'époque traversaient beaucoup de difficultés dans la quête de la science et dans la quête du hadith. Hein? Et nous à notre époque, personne ne peut comparer ce genre de difficultés-là à ce que nos salafs ont subi et ont enduré dans la quête de la science, comme difficulté et comme rudesse de la situation dans laquelle ils vivaient. Donc qu'Allah leur fasse miséricorde. Et c'est pour cette raison-là qu'ils ont eu de la bénédiction dans leur science, parce qu'ils ont justement fait preuve de beaucoup de sincérité et beaucoup d'efforts pour obtenir cette science. Et lorsqu'on fait des efforts pour obtenir quelque chose, eh bien, on connaît sa valeur. Donc, c'est ça la différence entre eux et nous aujourd'hui. Allah marrahim Allah, Allahul Musta'an. Et donc, tout ça, ce sont des choses très très importantes pour comprendre la valeur de cette science. الحمد لله طيب. Après, de qui a rapporté d'eux, c'est-à-dire qui a rapporté des hadiths d'eux, de Abu Zur'a, non pardon, de qui ils ont rapporté les hadiths. Donc ils rapportaient de Muhammad ibn Abdullah al-Ansari, et de Othman ibn al-Haytham, et de Affan ibn Muslim, et de Abi Na'im ou Abi Nu'aym, Ubaydillah ibn Musa, et de Adam ibn Abi Ayyas, et de Abi Yaman, et de Saïd ibn Abi Maryam, et de Abi Mishar ou Mushar, et d'autres également. Et qui ont rapporté d'eux? Qui sont les savants de hadiths qui ont rapporté des hadiths d'eux? Il y a parmi eux Abu Daoud, celui qui a le Sunan, et An-Nasa'i, celui aussi qui a le Sunan, et Ibn Majah également, 3 grands imams parmi les imams des salafs qui ont des Sunan, des grands Sunan, et son fils Abdurrahman, également يعني عبده ابن سليمان المروزي et également الربيع ابن سليمان المرادي et également يونس ابن عبد الأعلى et également محمد ابن عوف الطائي et eux font partie de ces chouyours également donc ce sont ces chouyours et ils ont rapporté de lui également ورفيقه وابن خالته أبو زرع الرازي et son compagnon c'est-à-dire son compagnon de voyage de même que le fils de sa tante Abu Zur'a al-Razi donc Abu Zur'a c'était le cousin de Abu Hatim al-Razi de sa mère hein, son cousin maternel le fils de sa tante et de, le fils de sa tante maternelle et ensuite qui d'autre il a rapporté qui d'autre a rapporté de lui Mohammed ibn Haroun al-Ruwayani et Abu Awana al-Isfara'ini et Ibn Abi Dunya et Abu Zur'a al-Dimashqi et Abu Amr ibn Hakim et d'autres également. Donc ça c'est les grands savants qui ont rapporté les hadiths de cet imam et qui ont rapporter leurs hadiths dans leurs livres. Parmi les imams de hadith, qui a écrit et rapporté dans son livre de hadith les hadiths de l'imam Abu Hatim. Parmi les imams qui ont rapporté ces hadiths, il y a l'imam Abu Daoud et l'imam An-Nasa'i et Ibn Majah. Na'am. Et également, on dit même que Al-Bukhari a rapporté de lui dans Bab al-Mahsar selon Muhammad. Et à la fin du tafsir de Surat al-Baqarah selon Muhammad, غير منسوب. وعن النفيلي ويحتمل أن يكون هو أبو حاتم الرازي. Comme c'est mentionné dans Fath al-Bari, et d'autres ont dit non, il n'a pas rapporté. Certains ont dit qu'il a rapporté de que Al-Bukhari et Ibn Majah ont rapporté de lui, mais il dit que rien de cela n'est confirmé, rien de ça qui est authentique. Wallahu a'lam. Donc, qu'est-ce que les grands imams de l'islam ont dit de ces deux imams, Abu Hatim et Abu Zur'a, mais là en particulier de Abu Hatim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien, l'imam Abu Bakr al-Khalal, compagnon de l'imam Ahmad ibn Hanbal, il a dit que Abu Hatim est un imam dans le hadith. Hein, Abu Hatim, imamun fil hadith. Et Ibn Kharrash, il a dit, kana min ahli al-amanati wal-ma'rifa. Faisait partie des hommes de confiance et de connaissance. Et l'imam al-Nasa'i a dit à propos de lui, thiqa. Il a dit, c'est quelqu'un de confiance, thiqa. Et Abu Na'im, il a dit, imamun fil hifdi wal-fahm. Il a dit que c'était un imam dans la mémorisation et dans la compréhension. قال اللالكائي كان إماما عالما بالحديث حافظا متقنا ثبتا. Donc c'était un imam, un savant du hadith, un mémorisateur et un maître dans yani la science du hadith qui était ferme et yani authentique et ferme. وقال ابن أبي حاتم c'est-à-dire son fils a dit j'ai entendu Moussa ibn Ishaq le juge dire je n'ai jamais vu personne avec une plus grande mémoire que ton père et je lui ai dit as-tu vu Abu Zur'a il a dit non il a dit j'ai entendu Younes ibn Abdel A'la qui disait Abu Zur'a et Abu Hatim sont deux imams de Khurasan, les deux imams de Khurasan. Et il a fait des doigts pour les deux. Et il a dit, وَبَقَاهُمَا صَلَحٌ لِلْمُسْلِمِينَ. Il a dit que le fait que ces deux-là restent, ou restent en vie, ou durent encore, eh bien ça c'est quelque chose qui amène du bien aux musulmans. C'est un bien pour les musulmans. Al-Khatib a dit, Il était un des grands imams mémorisateurs, ferme et célèbre pour sa science et mentionné pour ses mérites, ou pour son mérite. Et Ibn Abi Hatim, c'est-à-dire le fils de Abu Hatim, il a dit, j'ai entendu mon père dire, j'ai dit à la porte de Abu al-Walid al-Tayal ici, من أرغب علي حديثا غريبا مسندا صحيحا لم أسمع به فله علي درهم يتصدق به. فهناك حلق من الخلق وأبو زرعة فمن دونه. وإنما كان مرادي أن أستخرج منها ما ليس عندي. فما تهيأ لأحد منهم أن يرغب علي حديثا. سبحان الله. Donc il a dit, je suis rentré, hein, le Abu Hatim, c'est-à-dire le fils de Abu Hatim, yani Ibn Abi Hatim. Il a dit, j'ai entendu mon père dire, je suis rentré à la porte de Abu al-Walid al-Tayal ici. Et je lui ai dit, et j'ai dit aux gens, parce qu'il y avait des gens qui étaient tous assemblés, et parmi eux, il y avait son compagnon, Abu Zur'a, et ceux qui étaient en dessous de lui, dans la science. Et ils étaient tous assis ensemble, réunis. Alors, il leur a dit, celui qui peut me faire entendre un hadith que je connais pas, avec une isnad, et qui est authentique, je vais lui donner un dirham en sadaqa pour chaque hadith authentique avec l'isnad qu'il me donne. Alors, il leur a dit ça. Et le but, il dit, le but pour lequel j'ai demandé aux gens de me donner les hadiths qu'ils avaient, que j'avais pas, c'est-à-dire avec l'isnad et tout, et que j'allais leur donner un dirham pour chacun, la raison de ça, c'était parce que je voulais faire sortir qu'est-ce que j'avais pas mémorisé moi-même, qu'est-ce que j'avais pas encore appris ou connu des hadiths. Mais il a dit, mais j'ai pas trouvé personne d'entre eux qui était capable de me donner un hadith que j'avais pas entendu ou que je connaissais pas, qui m'était étranger. Et subhanallah, ça montre la grandeur de la science de l'imam. Il a dit, wa qala Ahmad ibn Salama An-Naysaburi, il a dit, je n'ai jamais vu après Ishaq et Muhammad ibn Yahya de personnes qui mémorisaient plus le hadith ou qui avaient plus de connaissances de leur signification que Abu Hatim. Et Othman ibn Kharzad, il a dit, les personnes avec les plus fortes mémoires que j'ai jamais vues sont quatre. Il a mentionné Ibrahim ibn Ar'ara et Muhammad ibn al-Minhal al-Darir et Abu Zur'a et Abu Hatim. Donc il faisait partie des quatre que les deux imams faisaient partie de ces quatre-là. Après il a dit wa qala Abu Hatim a dit Muhammad ibn Yahya al-Naysaburi est venu à la ville de Ray. Et je lui ai donné 13 hadiths, parmi les hadiths de Az-Zuhri. Et il n'en connaissait que 3, parmi ces hadiths-là. Et Al-Hafiz ibn Hajar a dit, ça montre la grande mémorisation de cet imam. Parce que Az-Zuhri a témoigné à son sujet, et ses chouyours, et les gens de son époque également, qu'il était une océan dans la science du hadith et dans la connaissance des hadiths de Az-Zuhri. Et malgré ça, Abu Hatim lui a quand même ramené des hadiths que lui n'avait jamais entendus de Az-Zuhri. Donc c'est pour dire, celui qui était venu, c'est-à-dire Muhammad ibn Yahya al-Naysaburi, c'était un savant dans le hadith. Et Abu Hatim lui a mentionné des 13 hadiths, il n'en connaissait que 3 sur les 13. C'est pour dire que l'imam Abu Hatim était très très fort dans le hadith. Et il dit وَقَالَ فِي تَقْرِيبِ التَّهْذِيبِ أَحَدُ الْحُفَّاظِ. Donc il a dit, l'imam Ibn Hajar, il dit à propos d'Abu Hatim que c'était un des grands mémorisateurs de la sunna et des ceux qui ont préservé la sunna. Et Ibn Kathir, il dit dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya à son sujet, أحد الأئمة الحفاظ الأثبات العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل. Il était un des mémorisateurs et des protecteurs de la sunna, parmi les grands imams fermes et connaissants et savants. Il connaissait les défauts subtils et cachés dans les hadiths, hein, qu'est-ce qu'on appelle al-ilal. Et il était également un savant dans la science de qu'est-ce qu'on appelle al-jarh ou ta'dil, la science de la critique et de l'éloge des narrateurs de hadiths. Et il dit, وقال الذهبي في العبر حافظ المشرق. Imam al-Dhahabi, il a dit à son sujet, lorsqu'il a parlé dans son livre al-Ibar, il a dit de Abu Hatim que c'était le mémorisateur de l'Orient. Et subhanallah, حافظ المشرق. Et il a dit, وكان بارع الحفظ واسع الرحلة من أوعية العلم. C'est-à-dire qu'il était, yani, très fort dans la, il avait beaucoup de mémorisation, beaucoup de mémoire, très forte mémorisation, et qu'il était vaste dans, il a fait des longs voyages pour la science, et il faisait partie des contenants de la science, c'est-à-dire ceux qui, contenaient beaucoup, beaucoup de science en eux-mêmes, possédaient beaucoup de science. Wakana Jarian في مضمار البخاري وأبي زرعة الرازي. أي نعم. Donc il était dans la même lignée que l'imam al-Bukhari et que Abu Zur'a al-Razi. Il a dit dans التذكرة الحفاظ l'imam al-Hafiz al-Kabir أحد الأعلام. Donc il a dit dans son livre التذكرة الحفاظ que c'était l'imam, le mémorisateur, le grand, un des grands savants, un des emblèmes de la mémorisation. Et Ibn Nasr al-Din, dans son livre Shudurat al-Dhahab de Ibn al-Imad, il a dit Kana fi midmar al-Bukhari wa Abu Zur'a jariyan bima'ani al-hadith aliman. Donc, il était dans la même lignée que al-Bukhari et Abu Zur'a. Et il était savant dans la signification des hadiths et dans la mémorisation également. Et de grands savants parmi les muhaddithines ont fait ses éloges. Hein? Et Al-Hafiz, il dit dans Al-Tahdhib que Qala Muslima, As-Silah, Muslima a dit dans As-Silah que c'était un fiqah. Et il a dit كان شيعيا مفرطا وحديثه مستقيم. Il a dit que c'était un chiite et que son hadith était mustaqim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a expliqué par la suite. Il a dit Al-Hafiz, je n'ai jamais vu personne autre que Muslima parler de lui en disant qu'il avait du tashayyu. C'est-à-dire qu'il avait quelque chose de la voix des chiites en lui. Autre que cet homme, c'était autre que Muslima. Et il dit, oui, As-Sulaymani, il a mentionné que Sulaymani a mentionné que son fils, c'est-à-dire Abdurrahman ibn Abi Hatim, faisait partie des Shia qui préféraient Ali sur Othman. Et ça, c'est la même chose que Al-A'mash et Abdul Razak. Al-A'mash aussi, il avait ça. Il préférait Ali à Othman. Et Abdul Razak, Al-San'ani aussi, préférait Ali à Othman. Donc, il dit que peut-être qu'il a mélangé entre Abu Hatim et son fils. Et Ibn Khuzaima, malgré que c'était un grand imam majestueux dans la science, mais lui aussi il avait cette idée-là. Donc il préférait Ali à Osman. Et c'est pour ça que ici on voit qu'ils l'ont appelé Shia, ou ils ont dit qu'il avait du tashayyur, une forme de chiisme en lui. Mais il n'était pas parmi les Rafida, il ne faisait pas partie des Rafida. C'est pour ça que les ulama, ils font une distinction entre le terme Shia et le terme Rafida. Il faut bien faire attention ici. Parce que le terme Shia, il est employé pour désigner plusieurs personnes, plusieurs groupes qui sont parfois même parmi les gens d'Ahlus Sunnah ou al-Jama'ah. Comme par exemple, ceux qui, à l'époque, lorsqu'il y avait la fitna entre Ali et Muawiya, eh bien, on appelait ceux qui étaient avec Ali, Shi'at Ali, et ceux qui étaient avec Muawiya, Shi'at Muawiya. Parce que le terme Shi'a, ça veut dire la fraction, ou le groupe, hein, ou le parti de. Et donc, ça n'a pas nécessairement une signification péjorative, ou ça n'implique pas nécessairement à cette époque-là, au début, ça n'impliquait pas une division dans la aqida ou dans la religion. C'était juste par rapport au fait de dire que lui était avec un tel était avec lui et un autre était avec lui. C'est uniquement par la suite, hein, après la mort de Othman, radiallahu anhu, que les fausses croyances ont commencé à s'introduire parmi les gens qui suivaient Ali, radiallahu anhu. Mais ceux qui étaient appelés Shia avant, parfois c'était juste du fait que certains préféraient Ali à Othman. Et yani, c'était pas quelque chose qui empêchait que ces gens-là soient des gens de Ahl Sunnah. Hein? C'est une erreur d'ijtihad par rapport à ces grands imams-là dans la science. Parce qu'on sait que Othman, selon la position de Ahl Sunnah, il est meilleur que Ali, radiallahu anhu, puisque le mérite des Sahaba et leur excellence, quand on parle des Khulafa Rashidin, eh bien, c'est dans le même ordre que leur khilafa. Hein? L'ordre de leur préférence et de leur mérite, c'est le même que l'ordre du khilafa. Donc, le meilleur, c'est Abu Bakr, et ensuite Omar, et ensuite Othman, Ibn Affan, radiallahu anhum, et ensuite Ali, radiallahu anhu aussi. Donc, ça, c'est l'ordre de préférence et l'ordre du khilafa. D'accord, donc ça c'est juste une note en passant ici pour pas qu'il y ait de confusion ou d'ambiguïté pour ça. Asaruhu, qu'est-ce qu'il a laissé comme trace de science? Il y a dans la bibliothèque Al-Zahiriya à Damas un livre qui s'appelle Az-Zuhd. Et c'est un manuscrit. Le manuscrit du groupe numéro 28. Dans l'institut des également dans l'institut des manuscrits de Al-Qahira, il y a un livre qui s'appelle Al-Du'afa et un livre qui s'appelle Al-Kadhaboun, hein, c'est-à-dire les narrateurs faibles. Al-Kadhaboun, c'est les narrateurs ceux qui ont menti, et Al-Matroukoun, une ashab al-hadith, c'est-à-dire ceux qui ont été délaissés pour leur hadith. Donc, Al-Du'afa, Al-Kadhaboun, Al-Matroukoun, parmi les rapporteurs ou les gens du hadith. Ça, c'est selon Abu Zur'a et Abu Hatim, Al-Razian. Et ça fait partie des questions qu'on leur a posées sur ce sujet-là et qui ont été rassemblées et écrites par Abu Othman Saïd ibn Ammar Al-Barza'i, qui est mort en 282 Hijriyan. Le numéro, c'est le numéro 719 de l'index dans la section de l'histoire. Et dans Mu'jam al-Mu'allifin, on trouve parmi les exemples de mention le tafsir du Coran et Al-Jami' fil Fiqh et Al-Zayna et Tabaqat al-Tabi'in. Donc ça, c'est les livres qu'il a écrits. Et il est mort en l'an 277. Donc il est mort en l'an 277, et parmi les, donc il y a beaucoup de savants qui ont fait sa biographie. Aynam, rahimahullah. Maintenant on va parler de l'autre imam, qui est l'imam Abu Zur'a al-Razi, qui était le cousin de la tante maternelle, c'est-à-dire le cousin maternel de l'imam Abu Hatim. C'est parce qu'il était le fils de sa tante maternelle. D'accord? Donc, Abu Zur'a. Et Abu Zur'a, son nom c'est quoi? On a dit que Abu Hatim, son nom c'était Muhammad ibn Idris. Muhammad ibn Idris, c'est le nom de l'imam Abu Zur'a. Abu Hatim, son nom c'est Muhammad ibn Idris. Tandis que Abu Zur'a, son nom c'est Ubaydillah ibn Abdul Karim. Ubaydillah ibn Abdul Karim ibn Yazid ibn Farouk. Ibn Farouk. Donc, Ubaydillah ibn Abdul Karim. Et Abu Hatim, c'est Muhammad ibn Idris. Kunyatuhu Abu Zur'a. Sa kunya, c'est Abu Zur'a. Et il est connu sous cette kunya. ويقال له الرازي نسبة إلى الراي. Lui aussi on l'appelle Razi comme Abu Hatim parce qu'il vient de la ville de Ray comme on l'a dit. Et on l'appelle aussi Al-Qurashi, Al-Makhzoumi, hein, par affiliation à la tribu de Quraysh, hein, du fait qu'ils ont été conquis par des gens de descendants de la tribu de Quraysh dans sa ville. Et il est Ayyash aussi. أين عياش المخزومي أين نعم في آخر شين وعجب ابن مطرف القرشي أين نعم donc ça c'est ses origines. De qui il a rapporté. Donc Abu Zur'a, il a voyagé vers Mecca et Medina, ensuite l'Irak et Al-Sham, c'est-à-dire Palestine, Syrie, toute cette région. Al-Jazira, c'est-à-dire la région qui longe la mer Rouge de la péninsule arabique, péninsule arabe. Khorasan, qui est dans la région de l'Iran, ces régions-là, le nord. Khorasan, si je ne me trompe pas, c'est dans ce coin-là. Misr, c'est l'Égypte. Il a rapporté de nombreux savants de hadith et de narrateurs. Il a rapporté selon Abi Asim et Abu Na'im et Qubaysa ibn Uqba et Muslim et Ibn Ibrahim et Ibn Abu Al-Walid Al-Tayalisi et Ahmad ibn Yunus et Khalad ibn Yahya wal-Qa'nabi et Muhammad ibn Sa'id ibn Sabiq wa Abu Thabit al-Madani et Abu Salama al-Tabuzaki et Al-Hakam ibn Musa et Yahya ibn Abdullah ibn Bakir et beaucoup d'autres. Et qui a rapporté de lui? Parmi les savants qui ont rapporté de Abu Zur'a, il y a, par exemple, l'imam Muslim, celui qui a le Sahih. Donc, l'imam Muslim, l'imam al-Tirmidhi, l'imam al-Nasa'i, l'imam ibn Majah, l'imam Ishaq ibn Musa al-Ansari, Harmala ibn Yahya, al-Rabi' ibn Sulaiman, Muhammad ibn Hamid al-Razi, ou ibn Humayd al-Razi, et Amr ibn Amr ibn Ali et Younous ibn Abd al-A'la et d'autres également. Et parmi ceux qui ont rapporté de ces hadiths dans leur livre de recueil de hadiths, il y a l'imam Muslim dans son Sahih, il a rapporté de Abu Zur'a et également al-Tirmidhi et al-Nasa'i et Ibn Majah dans leur Sunan. Donc ces autres là, ils ont rapporté de lui également. Et ils ont tous rapporté directement de lui. Et parmi les hadiths qu'il a rapportés, parmi les hadiths que l'imam Muslim a rapporté de Abu Zur'a dans son Sahih, c'est un seul hadith. C'est un hadith qu'il a rapporté au début du livre de Ar-Riqaq, les hadiths qui adoucissent le cœur. Et c'est un hadith qui est rapporté selon Ibn Omar, radiallahu anhuma, dans lequel il dit كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجة نقمتك وجميع سخطك سبحان الله. نعم سيعدي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نعمك وجميع سخطك. Et ça signifie quoi? Signifie: oh Allah, je cherche refuge en toi contre le fait que tu me retires ou que tu m'enlèves ta ni'ma, c'est-à-dire ta grâce, ou que tu changes envers moi ton pardon, ton pardon ou bien ta clémence. Et je cherche refuge en toi également contre ton châtiment qui vient subitement. Niqma, c'est le contraire de ni'ma, c'est quelque chose qui vient, qui est comme dur, qui vient subitement. Et contre toutes tes colères, contre toutes tes colères. Donc ça, c'est un exemple de dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le sens rapproché de ce que ça signifie. Et l'imam al-Nawawi, il dit dans son sharh de Sahih Muslim à propos de ce hadith-là, il dit que c'est rapporté par Muslim selon Abu Zur'a al-Razi, qui est un des grands savants, mémorisateurs et gardiens de l'islam, et qui était un de ceux qui avaient le plus mémorisé de hadiths. Et Muslim n'a rapporté dans son hadith rien d'autre que ce hadith-là. Il a uniquement rapporté de lui ce hadith-là seulement. Et il est parmi les gens qui faisaient partie de la génération de l'imam Muslim. C'est-à-dire, il est de la même génération que l'imam Muslim. Et il est né 3 ans après Muslim. Il est né 3 ans après l'imam Muslim, en l'an 264 de la Hijra. Donc ça, c'est la date de la mort de l'imam Abu Zur'a. Abu Zur'a est mort en 264, c'est-à-dire il est mort avant son cousin Abu Hatim. Abu Hatim est mort en 277 et lui, il est mort en 264. Et il dit ensuite: وقد أشار الخزرجي في الخلاصة إليه فقال عنه فقال وعنه مسلم فرد حديث فرد. Et الحافظ بن حجر il a rapporté sa biographie dans Tahdhib al-Tahdhib. Il a mentionné que Muslim a rapporté de lui 2 hadiths, alors que c'est juste 1 en réalité. Qu'est-ce que les imams de l'islam ont dit à propos de Abu Zur'a? Ils ont dit à propos de Abu Zur'a de grands éloges. Ils ont fait de nombreux éloges. Les imams de l'islam ont fait de lui de grands éloges et ils ont pour lui une grande estime et un grand respect. Ils ont fait l'éloge de sa religion et de sa piété et de la force de sa mémorisation et de la grandeur de sa science. An-Nasa'i a dit à son sujet thiqa, c'est-à-dire quelqu'un de fiable. Abu Hatim a dit que c'est un imam. Al-Khatib, l'imam Al-Khatib, a dit, c'était un imam qui était fermement ancré dans sa mémoire, c'est-à-dire sa mémorisation était ferme dans sa mémoire. Sa mémorisation des hadiths, c'était quelque chose qui était vraiment profond et fermement ancré dans sa, en lui-même. Et il rapportait de nombreux hadiths et il était honnête et quelqu'un de véridique. Abdullah ibn Ahmad, fils de l'imam Ahmad, a dit, lorsque Abu Zur'a est descendu, il est venu voir mon père. Il est venu habiter chez mon père. Nazala inda abi. C'est comme si, si je comprends bien ici, il est venu, il est habité avec l'imam Ahmad. Ou bien il a resté, il a passé du temps dans la demeure de l'imam Ahmad. Et il mémorisait beaucoup de hadiths. Et il dit, j'ai entendu mon père dire un jour, ما صليت غير الفرض استأثرت بمذاكرة أبي زرعة. Et j'ai été affecté par la mémorisation ou la al-mudhakara, c'est-à-dire la révision des hadiths. Donc il faisait beaucoup de révisions des hadiths, réviser ce qu'il avait mémorisé. Donc j'ai été affecté par la révision de Abu Zur'a, c'est ce qu'il a dit. Mais je ne comprends pas nécessairement bien le sens complet de ce qu'il a dit, l'imam Ahmad ici. Ma sallaytu wa ma sallaytu. Je ne comprends pas ici. Allahu a'lam, qu'est-ce que ça signifie. Il dit, وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول ما أي نعم. Donc عبد الله بن أحمد, le fils de l'imam Ahmad, il dit, j'ai entendu mon père dire, personne n'a traversé ce fleuve de plus savant que Ishaq, ni de plus avec une plus grande mémorisation ou une plus forte mémoire que Abu Zur'a. Il veut dire que ceux qui viennent de l'Orient, ceux qui venaient de l'Orient, il n'y avait aucun qui avait traversé le fleuve de plus savant que Ishaq et de plus fort en mémorisation que Abu Zur'a. Salih ibn Muhammad ibn Abi Zur'a, il a dit, je mémorise 10 000 hadiths dans la question des qira'at, dans le sujet des qira'at. Et il a dit également, donc ça c'est Abu Zur'a qui a dit ça. C'est rapporté selon Salih ibn Muhammad. Et il a dit également, j'ai entendu Abu Zur'a qui disait, j'ai écrit de la part de Ibrahim ibn Musa al-Razi 100 000 hadiths. Et selon, j'ai rapporté selon Abu Bakr ibn Abi Shayba 100 000 hadiths. Donc de ces deux imams-là, Abu Zur'a a mémorisé 100 000 chacun. Donc 100 000 de Ibrahim ibn Musa et 100 000 de Ibn Abi Shayba et 10 000 hadiths dans Al-Qira'at. Donc ça fait déjà 210 000 hadiths seulement dans ces questions-là, subhanallah. Ça fait 210 000 hadiths qu'on a calculés jusqu'à dans cette citation-là ici. Il dit, wa Abu Ya'la al-Mousali, il dit, j'ai jamais entendu il dit, je n'ai jamais entendu quelqu'un dans la mémorisation excepté que son nom était plus grand que sa vue, excepté Abu Zur'a, parce que de le voir c'était plus grand que son nom, c'était plus grand que son nom. Il y a probablement qui veut dire que le fait de mentionner son nom, c'était plus grand que de le voir lui-même en personne. Sauf que Abu Zur'a, de le voir en personne, c'était aussi grand que son nom. C'est-à-dire la réputation qu'il avait probablement, la réputation qu'il avait, elle correspondait réellement à l'homme qu'il était. Ça, c'est ce que j'ai compris de cette parole ici. Il dit wa Abu Ja'far at-Tusturi. Il a dit, j'ai entendu Abu Zur'a qui disait, mes oreilles n'ont pas entendu rien de la science, mes deux oreilles n'ont rien entendu de la science. Ça, c'est Abu Zur'a qui dit ça. Parce que c'est Abu Ja'far at-Tusturi, il rapporte les paroles d'Abu Zur'a. Donc, Abu Zur'a disait, ça c'est quelque chose qui est, ça montre la force de mémorisation de ce grand imam. Il dit, il n'y a rien que mes deux oreilles ont entendu, excepté que mon cœur le mémorise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que l'imam Abu Zur'a, il entend, tout de suite, ça reste écrit dans sa mémoire. Tout de suite, il mémorise. Donc il dit, des fois je marchais dans le marché de Bagdad et j'entendais des chambres, j'entendais de certaines chambres la voix de chanteuses. Hein, les voix des chanteuses. Et il dit, je mettais mes doigts dans mes oreilles par crainte que mon cœur mémorise ces paroles-là. Il y en a tellement que l'imam Abu Zur'a avait une mémorisation forte que quand il marchait dans les marchés, quelque part, il entendait dans les chambres des chanteuses ou des choses comme ça, il mettait ses doigts dans ses oreilles pour pas que ça reste mémorisé dans son esprit. Subhanallah. Donc ça, c'était à l'époque, imaginez. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de haut-parleurs ou des trucs comme ça, c'était des femmes qui chantaient avec des belles voix et yani des fois des gens de dehors entendaient ça et donc yani ils mettaient ses doigts dans ses oreilles. Aujourd'hui, hein, tu vas dans certains endroits, peu importe, des endroits publics, dehors dans la rue ou à l'intérieur, que ce soit un marché ou un centre commercial, ou même des bureaux parfois, des bureaux officiels ou autres, partout on entend tout le temps de la musique, partout chez les koufars, et parfois même dans certains pays musulmans, c'est la même chose parfois. Et donc, subhanallah, probablement que ces imams, s'ils vivaient aujourd'hui, eh bien, ils marcheraient avec des trucs hein, pour mettre sur leurs oreilles, pour ne pas entendre aucun bruit de ce genre de chansons-là, parce que ces imams, tout ce qu'ils entendaient, ils mémorisaient automatiquement. Donc pour éviter de mémoriser des bêtises comme ça, ou des paroles de chansons, ou des trucs comme ça, eh bien, Allah al-Musta'an, il faisait ça. Sallallahu al-Afiyah. Qu'Allah nous préserve. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Abu Hatim, il dit que Abu Zur'a lui a rapporté que, yani, Abu Zur'a lui a rapporté que il n'a jamais trouvé après lui. Non, c'est ça. Abu Hatim, il dit que Abu Zur'a lui a rapporté de la science ou des hadiths. Il a dit que il n'a jamais trouvé après lui quelqu'un comme lui dans sa science, dans sa compréhension, dans son fiqh et dans sa maîtrise, de la matière et dans sa sincérité, dans sa véracité. Et il dit, je ne connais personne, ni en Orient, ni en Occident, c'est-à-dire ni à l'Est, ni à l'Ouest, qui a une compréhension de cette affaire, c'est-à-dire du hadith, comme lui. Subhanallah. قال, il a dit, et si tu vois quelqu'un de la ville de Razi, c'est-à-dire la ville de Rai, quelqu'un qui vient de la ville de Rai, la ville de où viennent ces deux imams-là, si tu vois quelqu'un de cette ville qui dénigre Abu Zur'a, ou qui parle mal de Abu Zur'a, sache que c'est un muqtadir, c'est-à-dire c'est un innovateur. Et ça fait partie des exemples qui sont mentionnés par les imams des salaf pour dire que yani, celui qui parle en mal des gens de hadith, eh bien c'est, là, c'est un signe de, que c'est un innovateur, que c'est quelqu'un qui est égaré. Il dit ensuite, si tu vois quelqu'un de razi, comme ça on l'a dit, et après Al-Bayhaqi l'a rapporté selon Ibn Rawat, Ibn Warat, Ibn Warith, Warat, Ibn Warat, donc l'imam Al-Bayhaqi rapporte selon Ibn Warat, il dit, on était chez Ishaq à Naysabour, on était chez Ishaq à Naysabour, et un homme a dit, j'ai entendu Ahmed dire, صح من الحديث 700,000 حديث وكسر وهذا الفتى وكسر وهذا الفتى يعني أبو زرعة قد حفظ 600,000 حديث. Donc il a entendu, donc ça c'est Al-Bayhaqi qui rapporte selon Ibn Warat que il dit nous étions chez Ishaq à Naysabour. Et un homme a dit, j'ai entendu Ahmad, c'est-à-dire Ahmad ibn Hanbal, qui disait que parmi les hadiths authentiques, il y en a 700 000 qui sont authentiques. وَكَسَرَ وَهَذَا الْفَتَى يَعْنِي أَبُو زُرْعَ قَدْ حَفْظَ. Donc il dit, et Kasr, et ce jeune, il parlait de Abu Zur'a, il disait, ils en ont mémorisé 600 000 hadiths. Donc il dit, et Muhammad ibn Ja'far ibn Hukmaway, il a dit que Abu Zur'a a dit, je mémorise 600 000 hadiths, comme quelqu'un d'entre les gens, comme un homme mémorise Qul huwallahu ahad. C'est-à-dire que l'imam Abu Zur'a, il mémorisait 600 000 hadiths, de la même manière que l'un d'entre nous connaît Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Et subhanallah. Donc ça c'est un exemple. Il dit, قال أبو زرعة أحفظ 600,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. سبحان الله. Et Ibn Hibban, il a dit dans son livre الثقات, كان أحد أئمة الدنيا في الحديث مع الدين والورع والمواظبة على الحفظ والمذاكرة وترك الدنيا وما فيه الناس. Donc l'imam Abu Zur'a Ibn Hibban a dit à son sujet dans son livre Al-Thiqat, c'est-à-dire les narrateurs fiables, que c'était un des imams de la dunya dans le hadith, donc un des plus grands imams du monde dans le hadith, et il avait également la piété, la religion, la piété, et yani, il était constant et yani, méticuleux dans la mémorisation et dans la révision des hadiths et dans le délaissement de la dunya et le délaissement de ce que les hommes ont comme intérêt. C'est-à-dire qu'il ne s'intéressait pas des affaires des hommes. Et l'imam al-Dahabi, il a mentionné dans Tazkirat al-Huffaz à son sujet que c'était l'imam de son époque. Al-Imam al-Hafiz, un imam, un mémorisateur, un gardien de la sunnah. Et il a dit également كان من أفراد الدهر يعني حفظا وذكاء ودينا وإخلاصا وعلما وعملا. Donc il a dit de lui que c'était un homme unique à son époque dans la mémorisation, dans l'intelligence, dans la religion, dans la piété, dans la sincérité, dans la pratique et dans la science et dans la pratique. Abu Bakr ibn Abi Shayba, il disait, je n'ai jamais vu quelqu'un avec plus de mémoire que Abu Zur'a. Et Ali ibn al-Junayd disait, je n'ai jamais vu de plus savant que Abu Zur'a. Et Younes ibn Abdil A'la, il disait, « Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus humble que Abu Zur'a, subhanallah. « Ma ra'aytu aktharu tawadu'an min Abi Zur'a. » Et Ibn Kathir, il dit dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya, « Al-Ahadu al-Huffaz al-Mashhurin, un des grands gardiens de la Sunna, un des célèbres parmi les mémorisateurs de hadith et les savants. » Et on dit qu'il mémorisait 600 000 hadiths et qu'il était en même temps un faqih, c'est-à-dire qu'il avait une grande compréhension de la religion et qu'il était détaché de la dunya. Il était un adorateur, il était humble, il s'humiliait devant Allah. Hein? Et les gens de son époque ont fait ses éloges. Hein? Ils ont témoigné qu'il était au-devant de ses contemporains. Et Ibn al-Jawzi, il a dit dans son livre Sifatu Safwa qu'il faisait partie des grands gardiens, préserveurs, les mémorisateurs de la Sunna, et parmi les maîtres des gens de la piété. Et Ibn Hajar, il a dit dans son livre Al-Taqrib que c'était un imam, un gardien de la Sunna, quelqu'un de fiable et de célèbre. Il a été rapporté selon Abu Zur'a qu'un homme est venu lui poser une question en lui disant qu'il avait fait un serment de divorcer si il ne mémorisait pas 100 000 hadiths. Alors il a dit, garde ton épouse. Ça veut dire quoi cette parole? C'est rapporté que Abu Zur'a a dit qu'il y a un homme qui est venu le voir pour lui demander la question, parce qu'il a fait un divorce, mais un divorce qui est relié à, il a juré qu'il allait divorcer sa femme, mais selon une condition. C'est-à-dire qu'il a dit, si Abu Zur'a ne mémorise pas 100 000 hadiths, alors tu es divorcé. C'est-à-dire, si Abu Zur'a ne mémorise pas plus que 100 000 hadiths, hein, alors tu es divorcé. Il a dit à sa femme, dans ce cas-là, je te divorce. Subhanallah. Alors il est allé voir Abu Zur'a, puis il lui a dit, j'ai juré que si tu ne mémorisais pas 100 000 hadiths, que ma femme allait être divorcée. Alors, l'imam, il lui a dit, tu peux garder ta femme, en voulant dire, je mémorise plus que 100 000 hadiths. Puisqu'il mémorisait 600 000 hadiths. Hein? Subhanallah. Et l'imam al-Nawawi, il a dit dans son charh de Sahih Muslim, que c'était un des grands mémorisateurs et des gardiens de l'islam, parmi les plus grands dans la mémorisation, parmi les savants. Et parmi les traces qu'il a laissées, il y a la Musnad, il a une Musnad, et Al-Kitani, il l'a mentionné dans son livre. Il a aussi un livre qui s'appelle Al-Du'afa, Wal-Kadhabun, Wal-Matrukun, qu'on a mentionné tout à l'heure. Et il a, donc c'est ça ce qu'il a laissé. Et il dit qu'il est mort en l'an, comme on l'a dit tout à l'heure, 264 de la Hijra. Et il dit que, donc il y a plusieurs savants qui ont mentionné sa mort à cette date-là, et il n'a trouvé personne qui contredit à ce sujet-là, excepté une parole qui a dit que c'était différent. On a posé la question à propos de sa date de naissance, ils ont dit en l'an 200. Donc ils ont dit qu'il était né en l'an 200. Et ça c'est rapporté par Ibn Abi Ya'la dans Tabaqat al-Hanabila. Et Ibn Kathir dans Al-Bidaya al-Nihaya, il a rapporté autre chose. Il a rapporté en l'an 190 qu'il était né. n'y a pas de doute que qu'est-ce qui est plus authentique, c'est ce qu'il a rapporté de lui-même, c'est-à-dire qu'il est né en l'an 200. Donc il est mort à l'âge de 64 ans. Rahimahullah. Et lorsqu'il est mort, il y a tous les grands ulama, tous les grands ulama se sont réunis parmi les imams de la ville de Razi. فأرادوا تلقينه واستحيوا منه. Lorsqu'il allait mourir, ils se sont tous réunis. Un grand nombre des ulama parmi les Raziyyin. Et ils ont voulu lui faire dire la ilaha illallah. Ils étaient gênés de lui. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont fait demander de mentionner les hadiths du talqin. C'est-à-dire les hadiths qui mentionnent que lorsque quelqu'un va mourir, il doit dire le shahadatayn, la ilaha illallah. Alors, il a commencé à mentionner les hadiths, puis il s'est arrêté pendant les hadiths en question. Alors, Abu Zur'a a dit, haddathana Bandar bin Dar وساق إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وتوفي رحمه الله. Donc c'est ça. Abu Zur'a, il était en train de rapporter les hadiths qui parlent de qu'est-ce qu'on doit faire avec le mort, ou la personne qui était en train de mourir avant sa mort, qu'est-ce qu'on doit lui dire et qu'est-ce qu'il doit dire, le mort ou la personne mourante. Et il a rapporté donc à un moment donné, il a rapporté des hadiths, et à un moment donné donc il est arrivé au hadith il a mentionné l'isnad, et il a mentionné donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont la dernière parole dans cette dunya est que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puis il est mort en plein milieu. Juste après avoir dit la ilaha illallah, rahimahullah. Donc ça c'est la biographie des deux imams, un petit résumé en fait de leur biographie, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire également, mais ça c'est au sujet des deux imams. J'ai pensé que c'était une bonne chose de parler d'eux, puisque ces deux imams parmi les imams des salafs, et avant de mentionner leur aqida, c'est bien de savoir qui ils sont. Et ça va faire partie des cours qu'on a donné sur la aqida des imams des salafs. Même si j'ai déjà traduit le charh de aqida al-Raziyan de l'imam du cheikh Zayd al-Madkhali, j'avais traduit son charh en audio. Toutefois, chaque charh qu'un savant peut faire est différent de l'autre, et on trouve dans l'un des points bénéfiques qu'on ne trouve pas nécessairement dans l'autre. Et donc je trouve que c'est une occasion donc de faire celui de Cheikh Rabi al-Madkhali, puisque on connaît tous la force et la force dans la science, et la force dans le manhaj, et la force dans l'explication de Cheikh Rabi al-Madkhali hafizahullah. Et donc c'est toujours quelque chose de bénéfique de pouvoir lire ses livres, et en même temps aussi, étant donné que beaucoup de gens connaissent le Cheikh Rabi al-Madkhali hafizahullah uniquement par réputation, donc ils n'ont jamais eu l'occasion même de lire ses livres, eh bien c'est une occasion justement de le faire connaître un peu mieux, et de faire savoir justement aux gens, de faire connaître aux gens qui est cet imam et qu'est-ce qu'il a ramené comme science et comme explication. Et ça donne l'occasion donc également de détruire les fausses les rumeurs ou les calomnies que les gens font contre lui au sujet de la aqida, au sujet du manhaj et au sujet de beaucoup d'autres choses. Et donc tout ça c'est des choses bénéfiques, des points bénéfiques. On s'arrête ici inshallah pour aujourd'hui et on commencera samedi prochain inshallah dans le texte lui-même de la aqida de l'imam des deux imams Abu Hatim et Abu Zur'a Ar-Razi au prochain cours samedi prochain inshallah. Inshallah on va essayer la prochaine fois de commencer plus tôt peut-être parce qu'aujourd'hui il y a eu un petit retard pour différentes raisons. Inshallah on va commencer plus tôt samedi prochain inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Et aussi j'aimerais m'excuser parce que en ce moment je suis un petit peu grippé et j'ai la voix un peu enrouée parce que bon depuis quelques jours je commence à avoir un peu la grippe donc dans l'Amstrad. C'est la période, comme on dit. Donc, on espère que, Inch'Allah, vous allez être un peu patient avec moi, Inch'Allah, pour ça. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah.